L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale, la CPTS du Sud-Toulois, le Centre social arc-en-ciel et Nouba nous invite à plusieurs événements. Charlotte Beauregard, bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice du CPTS du Sud-Toulois. Alors, CPTS, c'est Communauté professionnelle territoriale de santé. Alors, ça existe au niveau national depuis 2016. Alors, avant de parler de ces deux événements, c'est quoi une CPTS et à quoi ça sert ? Une CPTS, c'est un dispositif national qui permet à des acteurs de la santé de se coordonner pour mettre en place des actions de santé publique et aussi d'essayer d'améliorer l'accès aux soins d'une population sur un territoire. Donc là, vous intervenez dans le cadre notamment de cette semaine d'information sur la santé mentale. C'est la première fois que vous intervenez dans ce cadre-là ? J'imagine que non. On va dire que c'est la première fois qu'on le fait de manière si complète et si coordonnée. On faisait d'habitude chacun des choses dans notre coin et cette fois-ci, on s'est vraiment mis tous les trois pour proposer une action d'envergure sur les deux semaines que dure la semaine d'information de la santé mentale pour proposer des actions à tous les publics du territoire du Sud-Toulois. Et notamment, donc, deux événements que vous ouvrez à un public plus large, parce que des fois, vous axez vos actions justement sur des publics bien ciblés. Là, c'est vraiment pour tout le monde, jeunes et moins jeunes. Il y a déjà du théâtre. On va parler d'une pièce de théâtre, une représentation de « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». Ça, c'est le 20 octobre à Favières. Alors, c'est une pièce qui parle de la santé mentale des ados et des jeunes adultes. Elle aborde en fait quatre parcours de vie de quatre jeunes adultes qui sont confrontés à des événements de vie et qui vont rencontrer des personnes différentes et avoir des réactions différentes et chaque situation a une issue différente. L'idée de cette pièce de théâtre, c'est de montrer que la santé mentale concerne tout le monde. On a tous une santé mentale et on va tous réagir différemment à des événements de vie et on a tous besoin à un moment donné de parler de sa santé mentale et ça peut être avec des professionnels comme son professeur, comme sa famille, etc. Donc c'est ce qu'explique cette pièce de théâtre qui est très complète, très intense. C'est pour ça qu'elle est accessible à partir de 15 ans parce qu'en dessous, les enfants n'ont pas la distance suffisante pour pouvoir accueillir cette pièce. Et on invite vraiment les gens à venir en famille pour pouvoir après en discuter parce qu'on sait que ce n'est pas évident de pouvoir parler de ce sujet. Alors, en tant que parent, on n'a pas forcément les mots. En tant qu'ado ou jeune adulte, on n'ose pas forcément non plus en parler, donc c'est aussi un prétexte pour les familles pour venir parler de ce sujet qu'est la santé mentale. Et la pièce sera suivie d'un échange avec des professionnels de la santé mentale. Cette semaine permet de faire prendre conscience à tout le monde que chacun peut être concerné, même si aujourd'hui il se sent bien, on peut avoir demain un problème de travail, un problème de santé, et voilà, cette question de la santé mentale, elle touche tout le monde. Elle touche absolument tout le monde, on a tous un moment, on se lève le matin, on n'a pas forcément le moral, on va subir un événement de vie, ça peut être un conflit avec un collègue, une séparation ou juste ça va pas quoi. La santé mentale, ce n'est pas la maladie mentale, il faut vraiment distinguer les deux. Donc la santé mentale, c'est vraiment cette composante qui nous accompagne tous les jours, tout au long de notre vie. Et c'est vraiment très important de la déstigmatiser parce qu'elle est souvent associée à la maladie mentale. Ce n'est vraiment pas la même chose. La maladie mentale fait partie de la santé mentale, mais la santé mentale, c'est vraiment notre santé quotidienne. Donc c'est vraiment très important d'en parler sans en avoir peur et sans se dire c'est pour les fous, je ne sais quoi, ce genre de choses qu'on entend souvent. Nous avons toutes et tous une santé mentale, il faut en prendre soin au même titre que notre santé physique. C'est tout pareil. Et de fait, un accompagnement dans ces moments-là est important, il ne faut pas en avoir peur, c'est ça ? Tout à fait. Donc on travaille aussi là-dessus, nous, sur la déstigmatisation du recours à des soins avec une psychologue, par exemple. Parce qu'effectivement, c'est encore aujourd'hui considéré parfois comme une faiblesse ou comme réservé à des gens qui ont une maladie mentale. Donc ce n'est pas le cas. On parle de psychologue, mais on peut parler de plein d'autres choses. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a voulu faire au travers de notre deuxième action qui a lieu donc du coup dimanche 22 dans un petit village qui s'appelle Aboncourt où on va proposer aux participants de découvrir plein de manières de prendre soin de sa santé mentale au cours d'une petite balade qui dure 2 km, tout au long duquel il y aura des ateliers de bien-être. Donc il sera possible de découvrir le Qigong par exemple, la méditation. Le Qigong, pour expliquer aux auditeurs en quelques mots, c'est quoi ? Alors le Qigong, c'est un, j'espère ne pas dire de bêtises, c'est un art martial, je pense. En tout cas, c'est une activité physique très lente, très douce, adaptée et accessible à n'importe qui, et qui permet vraiment de prendre un temps où on se concentre sur son corps et sur ses ressentis. Plein d'autres ateliers aussi, la méditation, la sylvothérapie, je crois. Oui, donc cette balade de 2 km peut être faite soit donc avec les 6 ateliers, soit spécifiquement avec le sylvothérapeute. D'accord. Donc là, c'est en fait, toutes les activités ont comme point commun que c'est un temps où justement on prend le temps, on se pose, on est à l'écoute de ce qu'on ressent, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. C'est vraiment une pause de se dire, OK, dans cette société où tout va toujours très vite, chacun des ateliers nous invite vraiment à nous poser. Et la sylvothérapie, donc, c'est se poser avec les arbres, en les regardant, en les touchant, en les ressentant, etc. Et ça, c'est sur inscription obligatoire, parce que c'est un groupe de 12 personnes qui restent ensemble pendant 2 heures. Voilà, donc ça, c'est pour la sylvothérapie. Par contre, pour les autres ateliers, pour la marche de 2 km environ, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Non, alors après, on aime bien savoir si les gens viennent. Bien sûr. Ça nous permet, nous, de nous ajuster au niveau, surtout, par exemple, du pot à l'arrivée. Voilà, si vous voulez avoir un coup à boire, c'est bien de nous passer un petit coup de fil avant pour savoir si vous venez. Ce que je n'ai pas précisé, c'est que la balade bien-être, elle fait 2 km, mais elle peut être précédée d'un parcours de 4 km qui est optionnel, mais qui permet voilà, de marcher un petit peu plus avant de venir faire les ateliers de relaxation de 2 km. Voilà, voilà, donc là, pour résumer, donc ce rendez-vous, c'est le dimanche 22 octobre à Aboncourt. On est aux alentours de Vézelise, hein, je crois. Voilà, un peu au sud de Vézelise. Et sinon, la pièce de théâtre, le vendredi 20 octobre. À 20h. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Ça, c'est à Favière. Oui, à la salle Les Petits Nez Rouges. Est-ce qu'il faut s'inscrire pour cette pièce de théâtre ? Pareil, on préfère, si c'est possible. Donc pour s'inscrire, il y a un numéro de téléphone, on peut appeler le 03 83 52 06 49. On peut aussi s'inscrire par SMS oui. au 06 70 10 20 82. Des numéros de téléphone, bien sûr, qu'on retrouvera sur le site de la radio avec cet entretien. Pour le dimanche, il y a un horaire. C'est rendez-vous entre 9h30 et 10h devant la mairie d'Aboncourt. Charlotte Beauregard, pour conclure, peut-être un dernier mot, un dernier argument pour les auditeurs, pour sortir des idées reçues qu'on peut avoir sur la santé mentale et de venir participer à l'un ou l'autre ou à ces deux événements ce week-end prochain. Moi, j'ai envie de dire, surtout en ce moment où tout va vite, où on est dans un contexte qui est loin d'être facile, vraiment notre santé mentale est mise à rude épreuve. Donc vraiment, je vous invite à venir profiter de ces temps. Donc la pièce de théâtre est émotionnellement un peu plus difficile, mais elle est hyper importante pour pouvoir aborder ce sujet avec nos enfants et jeunes adultes. Et le dimanche, c'est vraiment un temps plus posé pour vous, très positif. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir, on vous accueillera avec grand plaisir et on vous fera découvrir aussi ce qu'est la CPTS, ce qu'est le CTGEP Nouba et ce qu'est le Centre Social Arc-en-Ciel. Merci beaucoup, Charlotte Beauregard. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.